France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. L'actualité des sciences, les aventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Éric. On a beaucoup parlé du climat il y a quelques jours à l'occasion de la publication du dernier rapport du GIEC. Les prévisions sont alarmistes. Eh bien, le scientifique que vous avez rencontré va peut-être nous redonner un peu de morale. Ce scientifique, vous le connaissez, vous l'avez souvent entendu sur cette antenne. Il s'appelle Jean Jouzel. C'est un spécialiste mondial du climat. Il a été de 2002 à 2015 vice-président du groupe de travail scientifique du GIEC. Que dit Jean Jouzel ? Qu'il n'est pas trop tard si on veut limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Il l'écrit même avec l'économiste Pierre Larouturou et Anne Hessel dans un livre qui est sorti avant-hier aux éditions indigènes « Finance Climat, réveillez-vous, les solutions sont là ». Il n'est pas trop tard si on agit d'ici 2 ans. Agir d'ici 2 ans, pourquoi ? Pour maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. En fait, il faudrait que le pic d'émissions des gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, soit atteint au plus tard en 2020, de façon à être en mesure de diviser par 3 nos émissions entre 2020 et 2050, ce qui est nécessaire, et d'arriver à neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Alors, a priori, dit Jean Jouzel, pour sauver la planète, il n'est pas trop tard. Mais que préconise ce grand climatologue ? Il dit qu'il faudrait changer nos façons de vivre, car nous n'avons rien fait depuis l'accord de Paris de 2015. Donc il faudrait vraiment enrayer cette hausse. Il faut tout faire pour limiter l'utilisation des combustibles fossiles avec 2 voies d'accès en particulier. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire les mêmes choses avec moins d'énergie, que ce soit dans la mobilité, dans tout ce qui concerne l'isolation des bâtiments. Et puis, bien sûr, aller de plus en plus vers une part d'énergie renouvelable de plus en plus importante. Mais il faut absolument se désintoxiquer des combustibles fossiles. On entend des gens dire « c'est déjà trop tard ». Oui, c'est d'ailleurs le diagnostic, c'est déjà trop tard, semble-t-il, pour 1,5 degré, peut-être même pour 2 degrés. C'est un peu le diagnostic qu'on lit entre les lignes du dernier rapport du GIEC, sorti il y a quelques jours. Les scénarios les plus récents nous disent c'est possible, mais il faut être capable d'enlever du CO2, d'autres gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et ça, c'est un véritable défi, c'est-à-dire qu'on laisse aux jeunes d'aujourd'hui un monde... Disons auquel ils auront du mal à s'adapter. Nous sommes plutôt partis vers des réchauffements au-delà de 3 degrés, probablement dans la deuxième partie du 21e siècle, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui seront encore là. On leur demande une certaine façon de pomper du gaz carbonique, d'inventer. Donc il faut vraiment s'engager le plus rapidement possible dans cette voie. Efficacité énergétique, sobriété également, me semble-t-il, et puis bien sûr, énergie sobre en carbone. Et Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larouturou ont une idée qui permettrait de financer la modernisation des transports publics, l'isolation des bâtiments. Ils appellent cela le pacte finance-climat. 1 000 milliards par an mis à la disposition des Européens pour changer de vie et ne pas franchir la barre fatidique des 2 degrés. Les populations pourraient s'adapter pour l'essentiel, pas pour tout. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer se poursuivrait inéluctablement, probablement 40 à 50 cm d'ici la fin du siècle, 1 mètre d'ici la fin du siècle prochain. On a quand même une capacité d'adaptation et rester en dessous de 2 degrés assurerait pour l'essentiel cette adaptation. Mais si on va au-delà, 3 degrés, eh bien, ce sont des risques de plus en plus importants. On n'a pris qu'un degré en moyenne depuis le début du XXe siècle et on perçoit le changement climatique avec des extrêmes, plus intenses. Et il change, je dirais presque malheureusement, comme nous l'avions envisagé il y a une trentaine d'années, un réchauffement moyen sur lequel se superpose une intensification des événements extrêmes. Donc ça veut quand même dire qu'il faut prendre au sérieux les projections qui sont faites par les modélisations à horizon 2050 et au-delà. Très franchement, vous êtes confiant ou vous êtes inquiet ? J'étais plus confiant à l'issue de la conférence de Paris. Donc il y avait, semble-t-il, un cercle vertueux qui était en train de se mettre en place. Mais la difficulté est née du retrait annoncé des États-Unis. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que les objectifs affichés dans l'accord de Paris et au niveau français dans la loi sur la transition énergétique, sur la croissance verte, soient vraiment respectés.